Million vingt six monde, femme à papa petite, qui mourit dans misère, dans grand goût. C'est nous jodi à qui héritier yo, aussi là qui est encore t'es vivant. Si jodi à moi prendre la parole, c'est pas pour moi parler sous l'ombre, non, c'est gens la vie non taillé. Moi je raconter, m'a parlé pour nous même la trié maman, qui connaît petite nous condamné pour être dans la misère. Quoi dire trop pour te? M'a parlé pour petite nous yo, d'où les grands goûts à côté tripio. Sans yon souris, l'espoir pas na figuio. Malgré ça, yon vle continue remè. M'a parlé pour million de jeunes sa yo. Malgré sans raison, yon vle continue quoi. Yon vle continue vivre. Même si yon a la drive. Yon chache sans yon pas trouver yon de même yon. Nan mon tête en bas, ça y a vive avec l'espoir. M'a parlé pour nous-mêmes, garçon, femme, acti moun. C'est avec nous, zoutine gravier non nous. Même si une pomme méprise, nous pas gros zouzoun. Faut que respecte, liberté doit nous. M'a parlé pour nous, pour un jour, les hommes enfin. Nos filles n'a point chrétien. Vivant pour rien et refuser misère n'est accolé. Yon bagay quand même, n'a privé changer, von vivre changer. N'a privé changer. Même pauvre aïe, à pauvre journée, jeudi, à qui perdit nos grands chimères. Cap chercher, sauver, quitter un côté pour un autre. Non, chercher la vie, pauvre, yo méprisé, mais pauvre, yo haï. L'espoir, yo vle banni. Travaille sans mettre des bois, ponger à priver dans la rue. Oui, souple patron, bon mion petit job, li mettre ces garçons là pour escorter une place peut-être. Million vingt six monde, femme à garçon, que yo continue à battre fort pour l'it là. L'esprit yo révolté contre mauvais la vie, à qu'injustice yo impose yo, courage yo exige pour dite yo. Yon diyite ki pa ka mesure. M'a parlé pour nous même garçon fom ak ti moun. C'est avec nous, zoutine gavye non nous. Même si n pa méprise nous, pa gwo zouzoun. Fok yo respecte, liberté doa nous. M'a parlé pour nous pour yon jour les hommes enfin. Nous fina kwan chrétien. Vivant pour rien et refuser misère n'est accolé. Yon bagay quand même, n'a privé changer, pas privé changer. Pas privé changer, changer.